Valérie Levé sur les ondes de CKRL 89.1 et Futur Simple se poursuit avec l'histoire de Johannes Kepler qui a offert un flocon de neige en guise de cadeau de Noël. Une histoire vraie que va nous raconter Mathieu Riopel, professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projet pédagogique au Centre de démonstration en sciences physiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Alors cette question de quoi offrir à Noël, à nos amis, à nos familles, en fait beaucoup de gens se la posent évidemment, et donc évidemment les personnages scientifiques, même des temps passés, se la sont posés également. Oui, effectivement, aujourd'hui j'avais envie de raconter un petit moment d'histoire de science autour de Noël, autour d'un personnage qui s'est demandé qu'est-ce que je vais donner en cadeau. Pour Noël. En fait, ce n'était pas pour Noël, c'était pour le jour de l'an, là, la façon dont il l'a écrit. Mais c'est un cadeau pour le temps des fêtes, disons. Et donc, ce personnage, c'est qui? J'avais envie de vous parler de Johannes Kepler, qui a vécu il y a 400 ans. En fait, on va fêter son 450e anniversaire de naissance dans quelques jours, le 27 décembre. Donc, j'avais envie de vous parler de Johannes Kepler et de sa réflexion sur Noël et sur... les flocons de neige, en fait, on va voir. Oui, donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce cadeau de Noël, ces flocons de neige, pour l'instant, on ne voit pas trop bien le rapport. Mais donc, qui est Kepler, en quelques mots? Oui, pour le présenter brièvement, c'est un savant, un personnage de la science là, qui a vécu, comme je le disais, il y a 400 ans. Il est très connu pour ce qu'on appelle les lois de Kepler en physique, qui sont assez importantes. Ça décrit le mouvement orbital des planètes. Donc, aujourd'hui, on sait que les planètes dans le système solaire décrivent des trajectoires qui sont des ellipses, pas des cercles, mais des ellipses qui sont comme une espèce d'ovale, cercle étiré. Ça, c'est Kepler qui a été le premier à le trouver, à le calculer, à comprendre que les planètes n'avaient pas des mouvements circulaires sur leurs orbites, mais que c'était quelque chose de différent. Donc, puis ça a été la base sur laquelle la théorie de la gravité s'est développée ensuite. Si Newton a été capable de découvrir, si on veut, la loi de la gravitation universelle par après, qui est un des grands triomphes de la physique, bien, ça a été en très, très grande partie grâce aux travaux de Kepler qui ont précédé Newton. Donc, Kepler, c'est un personnage marquant pour l'histoire des sciences. C'est aussi un personnage intéressant parce qu'il est tout le temps... il ne se présente pas comme disons, l'homme de science rationnel qu'on décrit généralement. C'est vraiment quelqu'un qui était dans une genre de quête de la marque de l'œuvre d'un grand créateur, si on veut. Il est tout le temps en train de chercher des harmonies dans le mouvement des planètes, dans la nature, puis essaie de décrire avec des mathématiques. Puis quand il voit quelque chose qu'il peut décrire avec des mathématiques, il dit « Ah ben ça, c'est une marque d'un créateur. » Donc, c'est différent de l'espèce d'esprit rationnel de... si on veut, la Renaissance ou qu'on essaie de s'imaginer ou qu'on essaie de décrire ou qu'on a peut-être inventé avec le temps, en fait, en racontant l'histoire des sciences. Donc, voilà pour la présentation brève de Kepler. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur Johannes Kepler, eh bien, l'émission du 30 décembre lui sera consacrée puisque ce sera quelques jours après son anniversaire de naissance. Mais donc, revenons à Kepler et à le cadeau de Noël qu'il veut offrir. Parce que Johannes Kepler se posait comme question, il voulait offrir un cadeau à quelqu'un qui présente comme son bienfaiteur. C'est probablement quelqu'un de qui il attendait de l'argent. Il s'appelle Von Wackenfels. Donc, Kepler a vécu en Allemagne, là, en Europe centrale. Et puis là, il se demande, qu'est-ce que j'offre en cadeau à quelqu'un qui possède tout? Von Wackenfels est riche. Selon Kepler, le meilleur cadeau pour offrir à quelqu'un qui possède tout, ben c'est rien. Il veut offrir rien du tout. Mais pas n'importe quelle sorte de rien, en fait. Ouais. Sa façon de réfléchir, en fait, c'est Kepler, il veut lui offrir un jeu d'esprit ou quelque chose d'intelligent parce que c'est ce qu'il sait faire, Kepler. Il est bon pour les idées, réfléchir sur les mathématiques, ces choses-là. Donc, il veut offrir des idées à son bienfaiteur, à Von Wackenfels. Donc, il va écrire, entre autres, je vais le citer, là, « Je sais à quel point tu aimes le rien, pas tant pour son faible prix que pour la plaisanterie ou le jeu, aussi délicieux qu'il est spirituel, de sorte qu'il est facile pour moi de me rendre compte que plus un cadeau s'approche de rien, mieux tu l'apprécieras et plus facilement tu l'accepteras. Quoi que ce soit qui évoquera pour toi la pensée du rien, il faudra que ce soit réduit, bon marché et éphémère, c'est-à-dire presque rien. » Donc, c'est ça qu'il veut offrir en cadeau à Von Wackenfels. Presque rien, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui évoque le rien. Donc, c'est une belle idée, c'est subtil, c'est intéressant. Mais comment on la concrétise, ce presque rien, comment on le concrétise? Oui, ensuite, il va se questionner, parce que c'est bien beau de dire rien, mais il ne veut pas arriver les mêmes vides avec aucun cadeau à donner. Donc, il ne veut pas donner absolument rien, mais il veut donner presque rien. Donc, il va se poser la question, qu'est-ce qui est presque rien? Là, il réfléchit, il part comme raisonnement tous les éléments, les cinq éléments. Il passe la terre, le feu, l'air, etc. Entre autres, il va dire, est-ce que je pourrais donner un grain de sable qui est presque rien, en fait, un grain de sable? Là, il va dire, ben, un grain de sable, si on en a beaucoup, ben, on est capable de faire une poche de sable, donc... C'est pas presque rien du sable, c'est déjà trop de choses, c'est pas assez éphémère. Il va parler, est-ce que je peux donner des animaux ou des petits animaux? Il pourrait donner, on connaissait pas les bactéries à l'époque, mais tu sais, il pensait lui à une puce ou quelque chose, mais il arrive toujours à la conclusion que bon, c'est pas presque rien, ça reste quelque chose, puis c'est pas assez petit. Donc, ce qu'il va raconter ensuite, c'est qu'il traversait un pont à Prague, une soirée d'hiver. Là, il va dire la chose suivante. « J'étais aussi vexé de ne pas trouver ce qui est le plus proche de rien et qui cependant se prête au jeu de l'esprit quand il arriva que de la vapeur d'eau fut condensée par le froid en neige et des flocons tombèrent ici et là sur mon manteau, tous avec six angles et des rayons duveteux. » Donc, il va observer des flocons de neige, ou comme lui, il va appeler ça des petites étoiles de neige. Et puis, il remarque que les flocons de neige ont une symétrie hexagonale. Il y a six côtés ou six pointes à un flocon de neige. Puis c'est ça qu'il veut offrir en cadeau à son bienfaiteur, le mystère de la symétrie du flocon de neige. Et donc, ce qu'il va écrire, c'est par Hercule, voici quelque chose plus petit que n'importe quelle goutte, avec pourtant une structure. Voici l'étrenne tant désirée pour l'adepte du rien et digne d'un mathématicien qui n'a rien, qui ne reçoit rien, car cela tombe du ciel et ressemble à une étoile. On remarque que Kepler, ce qu'il veut faire remarquer à son bienfaiteur par cette petite phrase-là, c'est que lui aussi, il possède rien. Et donc, il aimerait peut-être recevoir de l'argent de son bienfaiteur. Ouais. C'est presque un peu ironique en même temps. Puis en plus, on comprend Je trouve... il est très éphémère, donc c'est vraiment un rien. C'est drôle. Effectivement, puis tout ça, ça sort d'un livre qui a dédié justement à Von Wackenfels et qui s'appelle « L'étrenne ou la neige sexangulaire ». Et contrairement à tous les écrits de Kepler que j'ai déjà... parcouru, là, je ne prétends pas les avoir lus, mais c'est souvent très aride ou difficile à comprendre. C'est difficile de se mettre dans l'esprit d'une personne qui a vécu dans les années 1600, qui a des années, qui a des idées un peu, qui, comme je disais, qui cherche l'harmonie dans l'univers. C'est beaucoup écrit comme ça. L'œuvre de Kepler, ça peut être intéressant à lire, mais il faut se retrousser les manches. Pourtant, son livre sur les flocons de neige est vraiment adorable à lire dans le sens qu'il est très drôle. Puis Kepler nous prend par la main à travers toutes sortes d'argumentations sur la forme des flocons de neige, sur ce qu'il veut décrire la symétrie à 6 côtés des flocons de neige. Donc, je le recommande à tout le monde. Si vous êtes capable de trouver une version de ce livre-là, c'est 20 pages. Ça se lit bien. C'est difficile à lire. C'est difficile à trouver, par contre, mais c'est vraiment une belle lecture historique sur les sciences. Donc, comment ça s'appelle? L'étrenne ou la neige sexangulaire? Oui, exactement. Okay. L'étrenne qui est le cadeau, là, si on veut faire un peu de vocabulaire, et la neige sexangulaire. Ouais. Et donc, dans ce livre-là, donc, il raconte sa démarche, pourquoi il en est arrivé à avoir cette idée d'offrir un flocon de neige à son bienfaiteur. Et en même temps, c'est comme, on pourrait dire de façon moderne, un traité de cristallographie 101 sur les flocons de neige. Bien, en fait, à travers ce livre-là, ce que Kepler va se poser comme question, comme il l'annonçait à son bienfaiteur, donc ce que j'ai raconté, c'est le préambule du livre, il écrit ça dans les premières pages, mais ensuite, il va justement essayer de percer le mystère de cette symétrie particulière de la forme du flocon de neige. Et puis, c'est vu aujourd'hui comme l'un des premiers écrits de cristallographie, parce que Kepler ne fera pas les choses à moitié, il va... foncer dans le sujet et puis essayer de comprendre les choses là, du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il y a à l'époque, c'est-à-dire il y a 400 ans. Il y a 400 ans, on voit pas la matière comme si elle était faite d'atomes. Là. L'atome n'est pas encore compris. Puis, pour la plupart des gens, c'est même pas une idée à considérer. Là. Donc, essayer de comprendre la formation des flocons de neige, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais lui, il va quand même d'abord poser le problème. Il va dire, ben pourquoi il y a 6 branches dans un flocon de neige? Pourquoi cette structure-là? Pourquoi c'est symétrique? Et puis, pourquoi il n'y aurait pas 7 branches ou 5 branches ou 3 branches à un flocon de neige? Donc, il y a quand même, il pose une question scientifique, puis il essaie d'y répondre avec des hypothèses. Puis il faut savoir aussi que Kepler il est fasciné par les formes géométriques. Autant pour décrire le cosmos, là, pour décrire le système solaire, quelques années avant d'avoir écrit son livre sur les flocons de neige, il avait élaboré tout un modèle du système solaire qui était basé sur l'agencement de formes géométriques de ce qu'on appelle les solides platoniciens, qui sont le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre, puis l'icosaèdre. En agençant ces formes-là avec des sphères, il arrive à essayer de comprendre les dimensions du système solaire. On sait qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ce modèle-là. Il n'y a pas des formes comme ça dans le cosmos, là, mais lui, c'est une façon qu'il avait utilisée pour décrire ça, puis qui arrivait à des résultats qui, un peu surprenamment, ça fonctionne avec certaines distances dans le système solaire, mais ça fonctionne avec une bonne marge d'erreur quand même aussi. Donc là, il est questionné sur la forme hexagonale des cristaux de neige. Oui, bref, quand Kepler voit une forme hexagonale, une forme hexagonale, ça le fascine, puis c'est sur son terrain, là, les formes géométriques de base, les polygones réguliers comme l'hexagone, ça lui parle. Dans un hexagone, il y a 6 angles de 120 degrés, 6 côtés égaux, c'est ça un hexagone. Puis là, il va essayer de présenter plusieurs hypothèses pour pourquoi un flocon serait hexagonal. L'une des choses qu'il amène, il dit, ben un hexagone, on retrouve ça à différents endroits dans la nature, si on y pense. Hein. Dans les rayons des ruches, les rayons de miel dans une ruche, ça a une forme hexagonale. Il essaie de se dire ben, peut-être que c'est la même cause ou pourquoi les abeilles font des rayons de miel de forme hexagonale. C'est une belle question d'ailleurs, ça. La réponse qu'on peut donner à ça, c'est que c'est la forme qui permet en fait de minimiser la quantité de cire qui crée l'hexagone, mais de maximiser la quantité de miel qu'on peut mettre dans le rayon de miel hexagonal. Donc, c'est ce qui demande le moins de travail puis le moins de ressources aux abeilles d'avoir cette forme-là. Donc, l'hexagone a vraiment quelque chose, puis c'est mathématique. On peut démontrer ça là, avec des mathématiques. L'hexagone est une forme qui est particulière, qui a plein de propriétés. Entre autres aussi, si on essaie de recouvrir le sol avec des tuiles qui sont des polygones réguliers, comme par exemple le triangle équilatéral, un cube, pas un cube, mais un carré, un pentagone, les seules formes, les seuls polygones réguliers qui fonctionnent pour recouvrir une surface avec des tuiles complètement, c'est le triangle, le carré puis l'hexagone. Un pentagone, il va toujours rester des espaces entre ouais. les tuiles qu'on va placer. L'octogone, même chose. Mais l'hexagone, lui, ça fonctionne. Il y a quelque chose de spécial non. dans il cette forme-là. Rien qui se bouge, tout s'assemble bien, ouais. Oui, exactement. Donc, Kepler va se questionner là-dessus, mais il dit, bon, c'est quoi le rapport avec le miel, les abeilles, puis les flocons de neige, il ne trouve pas trop. Donc, il essaie d'autres hypothèses. Il va entre autres aussi regarder les pommes-grenades. Donc, c'est quand même, moi, j'ai trouvé ça drôle de lire Kepler qui parle de pommes-grenades, puis de miel, puis tout ça, quand actuellement, il parle du cosmos, puis ouais. de forme, puis toutes sortes de choses. Donc là, il parle de pommes-grenades, puis il remarque que les grains dans une pomme-grenade, bien, ils s'entassent, tu sais, toutes les petites graines s'entassent, puis ça forme des hexagones quand on regarde la façon dont sont empilés. En fait, ce que Kepler remarque, puis est un peu le premier ou parmi les premiers à remarquer ça, c'est que pour entasser des sphères de la façon la plus compacte possible, ben, l'entassement qui est le plus compact, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empilement hexagonal compact. Donc, il y a des formes hexagonales là, qui apparaissent dans une espèce d'entassement de sphères qu'on essaie de tasser le plus possible. Donc, il va apparaître des hexagones. Par contre, là où encore cette hypothèse-là fonctionne moins, c'est que on empile des sphères, oui, mais ça se passe en trois dimensions, un empilement hexagonal compact. Un flocon de neige, lui, c'est plat, c'est une surface plane. Donc, encore là, il y a de la misère avec cette hypothèse-là. Mais malgré tout, en parlant d'empilement hexagonal compact, il est en train de faire ce qu'on aujourd'hui on appelle la cristallographie. Il est en train de réfléchir à comment on tasse des sphères pour former un objet, alors que l'idée d'atome n'existe pas encore non ouais. plus. Mais il voit un peu la matière comme s'était formé de petites sphères qu'on aurait à entasser. Donc, il est en avance sur certaines personnes. Je crois pas que dans sa tête, il y avait l'idée d'atome, mais du moins, il est en train de mettre ensemble des idées qui vont prendre beaucoup d'années avant de se retrouver dans les sciences. Mais finalement, à la fin de son livre, est-ce qu'il donne une conclusion ou une hypothèse comment il conclut son livre? Ben, il continue avec toutes sortes d'hypothèses, en fait, chaque fois qu'il pose une hypothèse, il la réfute, ce qui est un beau travail de scientifique, en fait. C'est super intéressant comme façon d'approcher les choses. Et donc, il se retrouve à la fin avec la même chose qu'au départ, c'est-à-dire avec rien. Ah. Il dit, finalement, j'arrive à rien, mais j'ai testé des hypothèses. Il est passé à travers tout son jeu d'esprit, il a offert, en fait, rien ou presque rien. Et donc, ça, c'est beau. Ça fonctionne non seulement dans le sujet, son livre, mais aussi dans la forme, puisqu'il arrive avec rien. Mais il arrive avec une piste, du moins. Il dit, selon lui, la forme hexagonale serait intrinsèque à la vapeur d'eau, c'est-à-dire que le problème de la forme hexagonale se retrouve dans l'eau. Et il dit, ce serait un problème pour les chimistes. Mm-hmm. Et puis, effectivement, c'est ça la réponse, parce que la neige, sa forme hexagonale, ça vient dans la façon dont les molécules d'eau s'assemblent au niveau microscopique dans cette forme particulière-là qui est liée aux liens chimiques là, qui vont se créer. Et donc, il y avait la bonne direction. Il a posé le problème comme il faut. Il a testé des hypothèses, puis il est arrivé avec la suite, c'est ça, mais il ne pouvait pas le faire. Il n'avait pas les moyens à l'époque pour aller plus loin. Là. Pour apporter. Ben, disons qu'il a quand même, il n'a pas rien fait, il a apporté une réflexion qui a peut-être servi quand même de base pour les scientifiques des temps futurs là, qui ont réfléchi sur la structure de la neige. Rapidement, là, en 2-3 minutes, comment ensuite, quels sont les autres scientifiques qui ont repris ou qui ont poussé cette exploration du flocon de neige? Oui, cette chose qui est presque rien, le flocon de neige, ça l'a suivi dans les sciences. On dirait que ça l'intéressait quand même quelques scientifiques. C'est quoi l'application dans la vie de tous les jours de savoir comment un flocon de neige est fait et pourquoi c'est la réponse est ouverte, là. Mais Il y a Robert Hooke en 1665, donc quelques années après Kepler, qui a publié un livre qui est assez fantastique, ça s'appelle Micrographia. C'est toutes sortes d'observations qu'il a faites au microscope. Robert Hooke a pris un microscope et a observé plein de choses. Il a été le premier à l'époque à observer, par exemple, un pou au microscope puis à le redessiner. C'est vraiment fantastique les planches qui se retrouvent là-dedans. Il y a entre autres des dessins de flocons de neige observés au microscope là, dans ce livre-là. Mais une personne qui a vraiment marqué l'histoire du flocon de neige, c'est Wilson Bentley, qui va être le premier à photographier un flocon de neige. Lui, en 1885, il a laissé tomber des flocons de neige sur un drap, puis avec un gros appareil photo, parce que la photographie, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Donc, avec son gros appareil photo, il a photographié un flocon de neige, puis il n'y en a pas juste photographié un, là, il y en a pris en photo 5000 dans toute sa vie, qui a regroupé dans un livre qui s'appelle Snow Crystals, qui a été publié en 1931. Il a passé sa vie pratiquement à juste faire ça, photographier des flocons de neige. Mais c'est une activité que je vous suggère à faire pour les fêtes. Là, si vous voulez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On prend un tissu noir, on laisse tomber des flocons de neige dessus, puis avec un appareil photo qui peut faire des photos en gros plan, là, peut-être un téléphone cellulaire, ça ne fonctionnera pas super bien. Mais on photographie des flocons de neige. Faut que ça soit de la neige appropriée pour ça, mais c'est une belle activité à faire. Ouais, c'est vrai, belle activité. Et puis, ben aujourd'hui, on comprend quand même bien comment ça se forme des flocons de neige. On est même capable d'en reproduire en laboratoire de la forme qu'on veut. Il y a le docteur Ken Liebrecht, je sais pas si je prononce bien son nom, qui a fait une entrevue récemment sur la chaîne YouTube Veritasium et qui, lui, est capable de contrôler l'humidité, la température, qui sont les facteurs importants pour la formation d'un flocon de neige, et puis qui est capable de créer un flocon de neige comme il souhaite créer le flocon de neige. Et donc, on peut créer des flocons de neige sur mesure maintenant. On peut même en faire deux identiques, ce qui est... Hey, ça n'existe pas. Oui, ce n'est pas supposé exister. Ben, c'est ça, c'était l'idée de Wilson Bentley, donc celui qui prenait plein de photos de flocons de neige. Ça viendrait de lui, l'idée que deux flocons de neige ne sont jamais identiques. Ah. Et puis, c'est une drôle de question, en fait, parce que tout dans la nature est jamais identique. Dès qu'il y a quelque chose qui est un peu complexe, deux arbres sont jamais identiques, deux humains, deux chiens sont jamais identiques. Donc, on n'a pas besoin vraiment de se poser la question pourquoi deux flocons de neige ne sont pas identiques. Mais bon, voilà, c'est pour ce mythe de deux flocons de neige identiques. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci Mathieu pour cet épisode d'Histoire des sciences. Et si à propos, en ces temps des fêtes, de cadeaux et de neige, je pense que ça tombait très bien. Alors, merci beaucoup Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Nous étions en compagnie de Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projets pédagogiques au Centre de démonstration en sciences physiques. C'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient l'année prochaine. Il sera question de voitures électriques et de surprises révélées par le télescope spatial James Webb. Et d'ici là, je vous souhaite une belle fin d'année à l'écoute de CKRL 89.1, sans oublier d'aller jouer dehors. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Thomas a voulu monter.